Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast sur la NBA. Aujourd'hui, on va parler record. Un certain LeBron James a battu un record. Vincent, Miguel, bonjour à vous, comment ça va? Salut Rémi, salut Miguel. Bah écoute, ça va, tranquillement. Ça va, on m'a parlé de record, j'étais pas au courant. T'es pas au courant? Bon bah Vincent va nous faire un petit récap. Est-ce que tu as, Vincent, un alibi? Que faisais-tu hier entre 4h et 7h du matin? Alors j'étais devant une télévision parce qu'il y avait un mec que j'apprécie. ceux qui écoutent le podcast, ils vont savoir que j'apprécie un peu ce... Je pense qu'ils savent que tu t'aimes bien. Ils savent que tout le monde aime bien, ouais. Oui, c'est sûr que... Mais toi, particulièrement, quoi. C'est compliqué de ne pas l'aimer, quand même, LeBron. Enfin, non. Alors si, détrompe-toi, parce qu'au début de sa carrière, moi, j'étais pas fan de LeBron. J'étais pas fan dans ce qui... Dans ce qu'il proposait, tout ça, j'étais pas forcément fan. Au début de sa carrière, ça a été compliqué. Hein. Il a eu l'étiquette de grand dunker, il a eu l'étiquette de loser parce qu'il a perdu en 2007, ensuite il perd en 2011. Il passe pour le méchant quand il part à Miami. Tout le monde l'adore arrivé à 2016 avec un titre d'anthologie. Et aujourd'hui, il force le respect. Il force le respect par des accomplissements incroyables. Dont le record qui s'est fait la nuit dernière. Ah oui. Où il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar, qui avait 38 887 points, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est 887 ? Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, j'avais le 87, mais je ne sais plus ce que c'est, je fais des centaines, mais ouais, c'est ça. Et du coup, LeBron qui l'a dépassé cette nuit, il fallait qu'il mette... Bon, c'est 387. Désolé, c'est 387. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, LeBron qui est passé à 38 390 cette nuit dans une défaite contre une très très très très forte équipe de KC, hein, on va pas se mentir, une des meilleures équipes de la décennie. non mais contre une équipe de KC qui a vraiment bien joué au basket pour le coup. Ça trash talk. Et donc du coup LeBron qui avait 36 points à mettre pour battre le record de Kareem et on savait pas. Franchement, dans la salle, il n'y avait pas ça. Les gens ne pouvaient pas savoir. Je veux dire, nous, moi, avant d'aller me coucher, je me suis dit, vas-y, en vrai, je pense pas qu'il va le faire, qu'il va le faire ce soir contre OKC. Je pensais qu'il allait le faire du coup deux jours après face au Bucks. Parce que du coup, il y a tout le côté symbolique. Et en fait, le match commence. Il y a une photo de LeBron avec son casque quelques heures avant le match où il y avait gravé dessus 3388. Donc, un point de plus que le record. Donc, déjà, le message est envoyé. Il arrive au Staples Center. C'est le Staples Center. Il arrive donc au Staples Center avec un costard flambant neuf. Et là, il y a tout le monde. Il y a Jay-Z, il y a Magic Johnson, il y a James Worthy. Bon, il y a Kareem Abdul-Jabbar, évidemment. Il y a toute la MIF, il y a toute la bande. Il y a vraiment tout le monde qui est là, tous ses potos. Il y a ses potes de l'Ohio qui sont là. Et là, en fait, dès le début du match, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, en fait. Il se passe un truc. C'est aujourd'hui. Il est surtout arrivé 4 heures avant le début du match. Ouais. C'est-à-dire que le mec, en fait, tu n'arrives pas 4 heures avant le match. Le mec, il savait, il était déjà équipé. C'était pour ce soir-là. On dirait que c'était scripté, en fait. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ça laisse un peu ça. La NBA, c'est souvent ça, en fait. On a l'impression que c'est scripté, tu vois. Clairement, le dernier match de Kobe, pour moi, c'était scripté, tu vois. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, parce mais que... je veux te dire, c'est pas scripté, mais tu peux y croire, limite, tu vois. Ouais, pour moi, c'est un peu scripté, quand même. En tout cas, il y avait une ambiance de folie. Dès que LeBron a le ballon, ça se met à gueuler dans tous les sens. Au début, il force un peu, il rate quelques shoots et tout. Et quand il est sur la ligne des lancers, ça gueule des MVP dans tous les sens. Normal. Et en vrai, là, ce match-là, on a bien vu qu'il avait envie de croquer. Genre, c'était... Ouais. On sait que LeBron, normalement, il joue intelligemment, il fait la passe et tout. Là, dès le début, c'était j'ai le ballon. J'ai un seul objectif. Ouais, il n'y en a pas 36. J'ai un seul objectif. Après, il a croqué, mais il n'a pas des pourcentages dégueulasses. Hein. Il fait 13 du tout. Tir et tout, tu vois. Non, mais au début, il rate beaucoup. Et après, ça. Il aurait pu croquer, tu sais, genre en abuser, genre en mode. Vraiment, il prend tous les shoots, tu vois. Mais non, c'était pas non plus comme ça, tu vois. Le shoot qu'il met pour dépasser Kareem sur le petit fade. Je savais qu'il allait le prendre. Ah, c'était sûr. Ça, c'était sûr qu'il allait le prendre. Mais l'action d'avant, il fait la passe alors qu'il aurait pu faire la passe. Il y a une prise à deux sur lui. Donc en vrai, ça sert à rien de forcer. Oui, Kobe aurait shooté, c'est bon. Ouais, mais si tu parles de Kobe, frère. Donc, non, mais voilà, ça montre quand même que le mec était pas. Alors, oui, si, il était clairement là pour battre son record, tu vois. Vraiment. Ah, bien sûr. Parce que quand il était à 20 points à la mi-temps, on s'est dit, bon, vas-y, ça va être vite plié au final. Ouais. Mais franchement, c'était ouf. C'était un moment d'histoire qu'il fallait vivre, en fait. Quand t'es fan de NBA, ouais. En fait, il fallait vivre ça. Ah, bah là, c'est une grosse page d'histoire qui se tourne, hein, ça, c'est clair. C'est quand même un record de 39 ans qui tombe à l'eau parce qu'il y a un mec. Bah, il était même pas né quand leur corps était arrivé. Le mec était même pas né. Ouais. Et là, il arrive et il l'a détrôné alors qu'on pensait que c'était un record qui serait intouchable en fait. Mais à force de longévité et d'excellence. Ça force le respect, hein, ça c'est clair. Hein. Bah, c'est. Voilà, c'est. C'est incroyable, hein. C'est. Je pense que c'est un des records. Alors, il y en a des records. On fera peut-être une émission un jour sur vraiment sur pas mal de records. Les records indétrônables. Ouais, voilà, mais celui-là, on faisait quasiment partie, quoi. Bah ouais, et là, celui de LeBron, on va voir jusqu'où est-ce qu'il va le pousser, hein. Mais ouais. Il y en a un qui va l'enlever un jour ou l'autre. Mais force lever le bonheur, quoi. Hein. Ouais. Il va se lever bien bientôt. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que l'ambiance dans la salle, c'était ouf. Il y avait quand même un panneau où ils mettaient les... Karim avec le nombre de points de Karim et chaque fois que LeBron James mettait un panier, le truc il se rapprochait machin, pour qui va être. Enfin, sur le League Pass, ça m'a fait trop rire quand j'ai voulu lancer le match sur le League Pass. Ça m'a mis un gros message de warning avant que le match lance en me disant ce soir LeBron record, il reste 36 points. Ouais, ça m'a fait bien marrer. En fait, on sait que c'est comme ça, c'est la NBA, c'est le show. C'est... Quand tu sais que en fait, le match il s'est quand même arrêté. Donc à partir du moment où il met son fadeaway, là, il reste 10 secondes dans le troisième quart-temps, et là le match s'arrête. C'est-à-dire il s'arrête pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, tout le monde sur le terrain, Adam Silver qui fait un discours, Karim Abdul-Jabbar qui lui donne un ballon, machin, pour passer le témoin, en gros. Enfin tu vois, c'est tellement scénarisé, et c'est tellement un truc de ouf. Enfin, petite question, les gars, comment est-ce que, avant même de parler à la célébration, comment est-ce que vous l'avez ressenti le moment où il met le shoot et qu'il bat le record? Est-ce que c'était la folie? Est-ce que il y a eu un excès sanguin dans l'entrejambe? Est-ce que, je sais pas. T'as décrit Vincent? Ouais, je pense que j'ai décrit la réaction de Vincent. Ouais. Non, alors pour l'excès sanguin, ok, mais pour le. Non, même pas de réaction de folie parce qu'en fait. On savait que ça allait arriver parce que là, ça fait... C'est ça, en fait, on savait. Donc, en fait, il n'y a pas l'effet de genre « waouh », tu vois. Genre, il aurait fait ça, genre, le match à Indiana où il faut qu'il mette 63 points, il fait ça sur un match comme ça. Là, par contre, je deviens zinzin. Ah bah ouais. Mais là, au final, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi l'effet de surprise en mode « mais wesh, le mec en a mis 60, tu vois. » Là, au final, 36, on sait très bien que... Vas-y, là, cette année, il tourne à 30 points de moyenne. Hein. Donc... Enfin, c'est pas non plus un scandale. À la mi-temps, tu sais qu'il est. Ouais, mais je t'avoue que je m'y attendais pas forcément. Parce que tu vois, sur les derniers matchs, il est à 21, 23, 25 points. Oui, oui, c'est sûr. Après, est-ce que. Ouais, je sais pas, mais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois le début de match, tu te dis, bon, c'est pour aujourd'hui. Et toi, Miguel, ça t'a fait quoi? Bah, pas grand-chose en soi. Parce que oui, on s'y attendait. La seule question, c'était de savoir comment il allait battre le record. Sur quel type de shoot. Même lui, LeBron l'avait dit. J'ai pas envie de battre ce record sur un lancer franc, tu vois. Ouais, donc, moi, forcément, j'attendais le lancer franc. Je voulais voir s'il allait le rater. Bon, on n'a pas eu l'occasion de voir. On n'a pas eu l'occasion de voir ça, mais en vrai, voilà, le shoot est propre. La célébration, iconique. Il l'aurait raté si c'était sur un lancer. Il l'aurait fait exprès. C'est ce que je voulais voir, en fait. Je voulais le voir. Mais... Ou alors, il aurait juste tiré son lancer normal et puis il l'aurait raté quand même. C'est quand même pas sa qualité première de la délancer. Donc bon, ouais. Il l'aurait lancé genre dos au panier. Ouais, ça aurait pu être marrant, ouais. Mais ouais, en vrai, c'était... En fait, c'était pas ultra choquant dans le sens où, en fait, on savait que ça allait se passer. C'est juste la célébration derrière qui est là, par contre... Bah moi du coup je suis un peu d'accord avec toi Miguel, je t'avoue que ça m'a un peu laissé de marbre à ce moment-là. J'étais content d'être présent pour ce moment d'histoire qui s'écrit, parce que c'est quand même une sacrée page qui signifie quelque chose, tu vois, genre plus tard je pourrais dire à mes gamins, bah ouais moi je l'ai vu LeBron quand il a battu le record. Quoi, t'as vu LeBron? Bah ouais. Mais devant ma télé quand même, précise. Hein. Oui, non mais oui, devant ma télé, ouais. Ah ouais, t'étais dans la salle? Ouais, t'inquiète. Ah, malheureusement, j'ai perdu les photos, putain, un truc de ouf. J'ai surtout pas le budget, frère. Mais ouais, cette page d'histoire incroyable. Mais à côté de ça, en fait, je sais pas, genre, je me suis préparé depuis tellement longtemps pour me dire, bah ouais, LeBron, en fait, en termes de longévité, on fait pas mieux. Dans l'histoire du sport, peut-être même. Donc en fait, ouais, je t'ai préparé depuis longtemps. Donc, je t'avoue que c'est, je sais pas, c'est quelque chose de normal qui s'est produit. Et j'avoue que ça m'a fait, ah ok, ah bah c'est bon, voilà, bah voilà, c'est officiel, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est ça, c'est plus le c'est officiel, en fait. Ouais. Ouais, c'est. Petite pensée quand même aux personnes qui ont acheté une place extrêmement chère pour voir Lakers Bucks. Ah, et il n'y aura pas de record et peut-être même pas de LeBron, on sait ouais, pas. Ouais, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas de LeBron. Parce que je pense qu'il a fait la fête un peu, je pense. Ah, je pense, ouais. Donc il y a moyen qu'il soit pas, il fasse pas le déplacement à Milwaukee, je pense. Oh, c'est bon. Ça du coup, après, il y a la célébration de 15 minutes, le petit discours avec Adam Silver, l'accolade avec Kareem Abdul-Jabbar. Bizarre. Ouais, bizarre, c'est bizarre cette accolade. On sait que les deux sont pas ultra proches, que, ouais. Que Karim a pas mal critiqué LeBron ouais, auparavant avait, sur des ouais, sur des avances, des prises de parole, on va dire. Prises de parole, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était un peu. C'était froid. C'était, ouais, on voyait qu'ils étaient pas à l'aise les deux. Sourire ouais. Forcé, je sais pas, c'est particulier. Ouais. Et moi, ça aurait été plus fort si ça avait été quelqu'un d'autre que Karim, ouais. Ah bah ouais, parce que tu vois par exemple l'action où, quand il quitte Karim, après il se dirige vers Magic. Grosse accolade, ouais. Et là tu vois que les deux ils sont potes. Ouais, clairement. Et ouais, j'aurais préféré, enfin bah du coup c'est Karim qui a le record, hein, donc normal, mais ça aurait été plus symbolique que ce soit quelqu'un comme ça d'un peu plus proche. Et moi par contre, le truc qui m'a un peu choqué, et où je suis un peu déçu, c'est qu'en fait il a pas du tout célébré ce truc-là avec ses coéquipiers. Il a célébré ça avec Karim, il a célébré ça avec ses potes, avec sa famille, ses enfants, etc. Et en fait les coéquipiers, il a été les voir qu'à la fin, que juste avant de reprendre le match. Il a pas du tout célébré ça avec eux. AD, il a dit comme quoi il était dégoûté d'être sur le banc au moment où ça s'est passé. Mais sur les vidéos, allez regarder. Anthony Davis, il est sur le banc au moment où LeBron bat le record. Et bah, même pas, il lève les bras. Rien. Non, il en a rien à foutre. Il reste assis, il se lève même pas, il lève pas les bras, il s'en branle en fait. Rien à foutre. Et ça montre l'ego du monsieur. Après, il y a quand même. Il y a quand même une hiérarchie, genre, forcément, tu vas célébrer ce record-là d'abord avec ta famille, avec tes amis. Ouais, je peux comprendre, mais tu vois, tes teammates, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, mais ses teammates, genre, au final, il doit faire une accolade à tous ceux qui l'ont aidé à faire ce record, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Tu vois, là, c'est juste, eux, ils sont là à ce moment T, tu vois. C'est... Ouais, par exemple, Anthony Davis, ils ont gagné un titre ensemble en 2020. C'est un moment de l'histoire de LeBron aussi, tu vois. Genre, le record, ok, il y a les points. Mais le record, il est aussi là parce qu'il a fait des campagnes de playoffs, parce qu'il était loin, parce qu'il avait des gros équipiers. Anthony Davis, il fait partie de la carrière de LeBron. Et vas-y, tu fais de ça avec lui, tu vois. Ouais. Je sais pas, je t'avoue que ça m'a dérangé un peu. C'est plus du coup à Anthony Davis d'aller vers LeBron pour fêter ça. LeBron, lui, il a 3 gérés à ce moment-là, tu vois. Et bah ouais, non, bien sûr. D'ailleurs, LeBron, petit discours devant la caméra pour fêter ça, il prend 50 000 $ d'amende pour avoir dit un gros mot. Du coup, je vais pas le répéter parce que moi, je veux pas prendre 50 000 $ d'amende. Rassure. Ah, c'est bon, on n'a pas la même visibilité, nous. Non, on n'a pas la même. Ok, ça va. Du coup, il dit fuck à la fin de son discours et bah, du coup, il prend 50 000. Je pense qu'il en a rien à foutre. Non. Bah, je pense qu'il en a vraiment à foutre. Je pense que tu vois, quand tu. Il a plus gagné. Hein. Tu vois, quand tu vas acheter tes croissants le matin, bah lui, de dire fuck, c'est pareil. Voilà. Ton petit 50 000 balles, toi, c'est ton croissant du matin. Voilà. Je reviens sur le record. Du coup, là, il est à 38 390. Ouais. Là, il lui reste encore un an de contrat. Il a dit comme quoi il allait rester jusqu'à jouer avec son fils, etc. Donc, il reste encore minimum 2 saisons. Grand minimum. Même s'il y en a pas mal qui parlent comme quoi il va attendre jusqu'à jouer avec son deuxième fils. Donc, au final, il restait encore un peu plus. Il va l'emmener jusqu'où, ce record, pour vous? Beaucoup trop loin. Ouais, je pense que vraiment... Quoi qu'il arrive, ce sera beaucoup trop loin, en vrai. Non, mais je pense... Parce que là, en fait, on se rend compte que le mec a 38 ans. Le mec tourne encore à 30 points par match. Et du coup, je ne le vois pas. Enfin, l'année prochaine, il va encore... Même s'il ne tourne peut-être pas à 30, il va encore tourner à 25 points par match. Enfin, s'il tourne à 25 points par match, il va en rater quelques-uns. Admettons qu'il en joue juste 60. Oui, il va peut-être en louper. Bah, en fait, il peut faire 1500 points par saison. Mais en fait, et pour moi, il peut jouer encore 5 ans, là, facile, en fait. Il a le physique pour. Hein. Là, vu comment il est physiquement, il peut encore jouer jusqu'à 42, 43 ans. 5 ans, tu vois, large, j'ai l'impression. Mais en fait, rien n'est impossible avec LeBron. Bah, donc, je ne saurais pas trop quoi dire. 2 ans, c'est sûr. 2 ans, on arrive à voir qu'on sait qu'il peut le faire. Oui, à 2 ans, t'es tranquille. Mais... sauf blessure, évidemment. Ah, bien sûr, de toute façon, dans tous les cas, les blessures rentrent en compte. Mais je me dis qu'en fait, s'il arrive à encore jouer, même peut-être pas 5 ans, tu vois, mais 3 ou 4 ans, il va aller chercher des records de longévité de malade, en fait. Parce que là, le record. Bah, il les a déjà, en fait. Donc, le record de longévité, non, d'un joueur NBA, c'est. Le record de minutes, il l'a. Record de minutes en playoff. Il a un record de minutes en saison régulière, peut-être pas, en fait, je sais pas. Je suis pas certain. Non, je crois il va l'avoir. Il va l'avoir. Il va l'avoir. Non, ben oui. Il y a des chances. Je crois que c'est Karl Malone ou Stockton qui les ont. Le record de minutes. Quoi. Possible. Mais ce qui est sûr, c'est que le record de minutes, il va l'avoir. Et même le record de saisons jouées, il va dépasser Vince Carter, en fait. C'est ouais. Vince Carter qui a 22 saisons jouées. T'es peinard que 2 ans, il va faire 2 ans tranquille. Ah bah, complètement. Donc, et puis même pour les passes d'ess, il va arriver dans le top 3, hein, c'est sûr. Ça va être dur d'aller chercher Stockton, je pense, mais. Stockton, trop compliqué. Ouais, non, trop compliqué. Jason Kidd, compliqué aussi, mais à voir comment ça se passe. Le troisième, c'est qui? C'est Chris Paul, là? Non. Il va faire top 3, je pense. Je crois que c'est Chris Paul, le top 3, là. Il y a moyen, ouais. Donc, bon, il est en carrière aussi, mais enfin, LeBron, il va prendre sa retraite bien après Chris Paul, et c'est pas impossible qu'il arrive à le redépasser. Hein. Je serais pas surpris, mais à voir. Wait and see. Chris Paul qui est 3, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, les gars, j'ai une question à vous poser. Une grosse question. Demain, LeBron est free agent. Vous êtes general manager. Et LeBron vient vous voir en vous disant je veux signer chez vous, enfin dans l'équipe où t'es, pour 4 ans au max. T'es d'accord avec ça ou pas? 4 ans. Est-ce que tu prends le risque de te dire bah ouais, mais frérot, en fait, t'as 40 ans. Genre, je vais pas te signer au max alors que t'as 40 ans. Mais d'un autre côté, c'est LeBron. Tu te dis, bah ouais, mais en fait, LeBron a 40 ans au max. Mmh. Bah, c'est toujours 25 points, 8 rebonds, 8 passes. Ça peut gagner. En vrai, ça peut aller en finale sans aucun souci. À quel point est-ce que tu prends le risque de le faire? Franchement, sachant qu'un LeBron au max, tu vois, c'est genre 4 ans, c'est genre facile 200 millions. Hein. Je pense que ça dépend de l'équipe, tu vois. Si t'es sur une équipe qui est pas au top et qui a besoin justement de ce game changer, ouais, tu prends le risque. Hein. Enfin, c'est même pas un risque, en fait. Mais t'es pas. Ouais, c'est même pas tant un risque. Bah, c'est juste si t'as la masse salariale de disponible. Ouais, voilà, c'est pas ça, quoi. Ah, bah, tu es tous les jours. Hein. Donc, ouais. On est d'accord. On est d'accord que LeBron, demain, il vient chez toi pour signer à 4 ans au max, tu dis oui. Ouais. Tu prends le risque de mettre un salaire exorbitant sur un mec de 40 ans. Ouais. Ah, mais en fait, c'est surtout que tu peux aussi économiser de l'argent parce que t'as plus besoin de personne pour le recrutement parce que c'est lui qui s'en occupe. Moins de staff derrière. Tu payes pas le salaire du mec qui fait le recrutement déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Tu gagnes des sous. Bon, après là, il s'était quand même trompé cette année, il a pris Westbrook. Hein, donc, bah, c'est pas foufou. Ouais. Bon, ça arrive. Ouais, ça arrive de se tromper. Mais oui, clairement, moi, je envoie le mauvais direct. Bah les couilles. C'est assez impressionnant. Moi, je lui envoie 250 millions sur 4 ans, rien à foutre. C'est assez ouf en vrai de se dire ça. Bah c'est ouf, mais en fait, il nous montre que là, lui, il a le temps, il s'en bat les couilles. Ouais. Le temps qui avance, il s'en bat les couilles. Pour aller chercher le record qu'il vient de battre et qu'il va continuer de pousser encore quelques temps, là, c'est assez incroyable. Il y a des mecs, ils ont compté là. Un mec qui tourne à 25 points de moyenne sur toute sa carrière, c'est énorme. Hein. Il y en a que 12 des mecs qui tournent à 11-12, des mecs qui tournent à 25 points de moyenne sur leur carrière. Ouais. Il faut 1600 et quelques matchs. Là, LeBron, il en a joué 1409, je crois. Ouais, bah, mais il est là cette année, il est à 30 de moyenne et il a fait des saisons. Ah, bah non, bien sûr. Il a pas une saison à moins de 20 points de moyenne, je crois. Sa seule saison à 20 points de moyenne, c'est sa saison rookie, je crois. Ouais. Et après, derrière, c'est 25 minimum. Et on est plus aux alentours de 27-28 d'ailleurs, mais. Donc, forcément, c'est. Là, actuellement, dans les joueurs qu'il y a en ce moment en NBA. Luka Doncic. Bah, on pense à Luka parce qu'il bat des records de précocité. Ouais, mais. Mais en fait, on sait très bien qu'il va jamais jouer aussi longtemps. Il l'a dit lui-même. Ouais, je pense que même Luka Doncic, il ira pas le chercher. Après, Luka Doncic, je pense qu'il peut monter bien vite aussi, mais il ira pas le chercher LeBron. Mais moi, je vais vous dire, en fait, la personne qui va battre LeBron James, déjà, je pense qu'elle est pas en NBA aujourd'hui. Et c'est juste en fait. Est-ce qu'elle est draftée au mois de juin là? Franchement, franchement, je suis même pas, je pense pas, tu vois. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. En fait, il faut vraiment quelqu'un qui se conditionne comme LeBron et qui fait en fait les mêmes entraînements physiques, qui a la même vie que lui en fait. C'est que LeBron, il a taffé toute sa vie. Ouais. Enfin, il a un rythme de vie, il dort 10 heures par jour, il a tous les équipements possibles. Et en fait, moi je le compare, c'est à Giannis. Giannis, tu le vois au début de carrière quand il arrive en NBA, il était tout sec. Et le gars, il a taffé, regarde aujourd'hui, c'est un monstre. Et en vrai, si Giannis, il était rentré en NBA avec le niveau qu'il a aujourd'hui, genre avec le physique qu'il avait aujourd'hui, il aurait pu peut-être discuter, tu vois. Ouais. Mais il te faut un mec, en fait, qui fasse ce qu'a fait Giannis, mais qui le fasse plus tôt et qu'il arrive en NBA, c'est déjà un monstre, en fait. Ouais. Et comme, tellement un monstre qu'il va pas se blesser, en fait. Et c'est les blessures qui font tout, hein, pour ce record. Ah bah ouais, LeBron, il a eu un alignement de planètes d'un point de vue génétique et même autre qui l'ont aidé énormément. Déjà, de base, il a un physique assez hors norme. Mec, il est vachement grand, il est ultra corpulent, il saute, il va vite. Enfin, il y a vraiment tout pour lui en termes d'athlète. Et il s'est jamais blessé. Et ça, c'est un truc qui joue énormément. Mais il s'est jamais blessé parce qu'il a... Ouais, il a toujours pris soin de son corps et il dépensait des millions dans son corps tous les ans, en fait. Parce que... Ouais, mais... Ça, oui, mais même outre ça, tu vois, t'as beau dépenser des millions dans ton corps, il suffit d'une mauvaise chute, tu te fais le genou. Ouais, et puis t'es baisé pour le reste de ta carrière, tu vois. Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là-dessus, LeBron, il a réussi à passer en travers de tout ça. Et tant mieux pour lui. Hein. C'est ce qui fait qu'il est là aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est très très gros respect à ça. Mais voilà, du coup, c'est vraiment un très gros alignement de planète. Il faut aller chercher à peu près la même chose pour pouvoir atteindre ça. Ouais, mais c'est sûr que je pense qu'il est pour moi le mec qui ira le chercher, il est pas né. Ah non, on l'aurait déjà vu. Non, il est. On en aurait déjà parlé. Ouais. C'est pas The Chosen One pour rien. Il n'existe pas. Et c'est surtout qu'il faut voir où il va l'amener ce record. Hein, parce que... C'est ça, parce que je pense qu'il peut aller chercher genre 42 000 points. Ouais, ouais. Plus, hein. Ouais, ça serait ouf. Et puis là, du coup, parce que là, déjà, pour aller chercher Karim, il a fallu. Voilà, il faut une longévité de LeBron, il faut 20 ans au top niveau, tout ça. Pour aller chercher encore LeBron qui va encore augmenter le record, là, ça va être. Ça va être LeBron, ça va être du 23-24 saisons NBA à du 25 points de moyenne par match. Ça va être un truc comme ça, je pense. Là, actuellement, en carrière, je crois qu'il doit être à... Il doit être à 27, 27 et demi. En carrière, il est à 27 points de moyenne. Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est assez énorme. Très, très gros respect à LeBron James. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on clôture ? Non, franchement, non. On en a déjà bien parlé, on sait ouais. que... Bah ouais. Et bah, énorme big up à LeBron James, big up à vous également. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta ou sur Twitter, à @WakeUpNBA. Venez nous dire comment est-ce que vous avez vécu ce moment. Est-ce que vous étiez devant? Est-ce que vous avez regardé le replay? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi vous détestez Anthony Davis parce qu'il a pas célébré ça avec LeBron James? Je pense comme vous. Sur ce, on se retrouve bientôt, épisode de la trade deadline qui va arriver, vous inquiétez pas, on va faire le récap de tout ça. Ciao tout le monde. Ciao.